Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Guémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, c'est la dernière pour cette petite série-là, de John Reel, qui est tirée donc, du bouquin « Le roi Oscar » et paru aux éditions Gaïa. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « La balle perdue ». Donc on va partir chez les chasseurs au Groenland. John Reel est donc un écrivain danois aussi, j'oublie de le dire. Il est né en 1931 à Odense et à 21 ans, il s'engage dans une expédition scientifique dans le Nord. Comme ça, il peut nous raconter des histoires, des racontars en fait. Voilà, je commence. La balle perdue, ou le Placide Sivertz, prend conscience qu'une bonne colère peut avoir du bon et qu'au bout du compte, le hasard fait bien les choses. Tous les ours blancs ne prennent pas leur quartier d'hiver et tous les ours en hibernation ne dorment pas jusque la fin de l'hiver. Même pendant la période la plus froide et la plus sombre de l'année, on peut tomber sur un de ces randonneurs solitaires qui font l'impasse sur leur sommeil d'hiver ou qui, pour une raison ou une autre, ont été réveillés avant le retour de la lumière. C'est un lascar de cet acabit qui s'en prit à Sivertz, à quelques kilomètres de la cabane de chasse, la villa de la falaise. Événement frappant en soi, car au Groenland, il est assez inhabituel que ce soit les ours qui chassent les hommes. Le plus souvent, ils se cachent, et ils n'ont pas de chance qu'ils soient découverts par les chiens, qu'ils essaient de s'échapper. Mais cet ours-là était différent. Peut-être après quelques mois d'hibernation, avait-il épuisé ses réserves de graisse et avait-il été réveillé par la faim qui le tenaillait? Ou encore venait-il des alentours du détroit de Bering, où il est de notoriété publique que les ours ne sont pas tout à fait dans les normes et attaquent, tuent et dévorent leurs ennemis à deux pattes avec la plus grande délectation. L'ours flaira Sivertz et subodora la viande, probablement pour la première fois depuis longtemps dans ce paysage figé. Sivertz avait une odeur sympathique, c'est pourquoi l'ours se mit en embuscade et attendit patiemment. Sivertz arrivait par les congères le long de la côte de Valsou. Il était assis sur le traîneau, la pipe à la bouche, tout guilleret à l'idée d'arriver. Parce que la villa de la falaise était presque luxueuse. Une boîte de 3 mètres sur 2, où l'on pouvait se tenir debout. Avec une cuisinière basse sur pattes, une table à abattant et une couchette faite de douves de tonneaux. Avec ça, des coupures de journaux punaisées sur les murs, une caisse à charbon et un tonnelet d'eau. Les chiens avançaient joyeusement dans le gel crissant de février et le clair de lune était suffisant pour qu'on puisse s'orienter aisément. La glace illuminée était brillante, presque sans neige, et les ombres montaient, nettes et noires comme du goudron, entre les amas de glace. L'ours s'était tapi dans l'ombre entre 2 blocs de glace dentelée, au-dessus du chemin du traîneau. Il resta bandé comme un ressort jusqu'au passage de Sivertz. À ce moment-là, il se déplia et s'abattit sur le chasseur qui ne se doutait de rien. Dire que Sivertz fut surpris ne serait nullement une exagération. Il glissait tranquillement vers les splendeurs de la villa de la falaise et voilà que, subitement, il se retrouvait avec 400 livres d'ours sur les genoux. La surcharge arracha les sangles du traîneau et les patins s'aplatirent de chaque côté. Sivertz hurla d'horreur, l'ours hurla encore plus fort, mais de fureur. Il tourna la gueule vers Sivertz et lui souffla de l'air chaud jusque sous le capuchon de son anorak. Ce fut immédiatement un grand chaos. Les chiens attaquèrent, ce qui ne fit qu'aggraver considérablement la situation. Ils sautaient, aboyaient autour de l'ours et eurent au fait d'entortiller tout le monde. L'ennemi, Sivert et eux-mêmes, dans les longs traits d'attelage. L'ours grognait et rugissait furieusement et faisait de grands moulinets dans l'air avec ses gigantesques pattes. La corde avant du traîneau se noua autour d'une des pattes arrière de l'ours et le chien guide de Sivert, Whisky, profita de l'occasion pour planter ses crocs dans la plante noire et ne plus lâcher prise. L'air frémissait de hurlements, de cris et de grognements. L'épaisse corde que les chiens avaient trouvé le moyen de dissocier des attelages les ligota en un grand tas et ce tas gesticulait au milieu du traîneau, de l'ours et de Sivert. Sa première frayeur passée, Sivert reprit suffisamment ses moyens pour ramener ses jambes vers lui. Il constata que rien n'était cassé, poussa l'ours vers les chiens et quitta le traîneau en roulant sur le côté. Ensuite, il se sauva à toutes jambes vers la villa de la falaise. Voyant son rôti détalé, l'ours, avec une force décuplée, fit sauter les cordes qui le retenaient, arracha d'un coup de dent la moitié de l'oreille de Whisky, se débarrassa des autres clébards et se mit à la poursuite du fugitif. Jamais de sa vie, Sivert n'avait couru si vite. Les semelles de ses kamiks effleuraient à peine la glace et soulevaient une fine poudre de neige. Mais l'ours était plus rapide. Il s'engagea dans un galop tenace et gagnait du terrain, se rapprochant de plus en plus du chasseur malchanceux. Derrière eux deux venait le traîneau démantibulé, tiré par ceux des chiens qui n'étaient pas emberlificotés dans les cordes et qui avaient toujours quatre pattes disponibles. Le fusil de Sivert, malmené, glissait sur la glace derrière le montant cassé, sans utilité aucune. Sivert sprinta comme s'il avait le diable en personne sur ses talons. Son thorax s'agitait comme un soufflet d'accordéon. Il gémissait et sifflait, un goût de sang dans la bouche. Quand il entendit l'ours derrière lui, il fit ce que beaucoup d'autres bonhommes avaient fait avant lui. D'un geste prompt, il tira son anorak graissé au suif par-dessus sa tête et le lança loin sur les côtés. Cela lui donna une petite avance. L'ours planta ses griffes dans la glace et freina brutalement. Il se jeta consciencieusement sur l'anorak dont il commença à dévorer une des manches. Mais le goût n'était pas à la hauteur du fumet. Cette partie de l'homme n'était ni vivante, ni gorgée de sang. Enragé, l'ours déchira l'anorak en mille morceaux, certain qu'il était de n'avoir aucun mal à rattraper le fuyard. Sivert ne perdait pas son temps. Il allait à fond de train, tout en passant sa chemise par-dessus sa tête pour qu'elle soit prête la prochaine fois que l'ours se ferait trop pressant. Ce qui ne tarda pas. Quand il eut enfoui les vestiges de l'anorak loin sous la neige en les piétinant, il reprit la poursuite. Sivert abandonna sa chemise et l'ours, qui ne voulait rien rater, la flaira, la goûta et en fit de la charpille. Sivert s'était ainsi délesté de la plupart de ses habits en arrivant en vue de la villa de la falaise. Malgré le gel tranchant et le souffle glacial dû à la vitesse, son torse luisait de sueur pendant qu'il courait vers la maison en haut de la pente et qu'il en franchissait la porte. Il referma, verrouilla solidement derrière lui et s'appuya ensuite contre le dormant de la porte en soufflant comme une locomotive à vapeur. Eh bien, il a failli avoir du bol avec moi, celui-là, gémit-il. Essoufflé sur la faim, ça tenait du vrai striptease. Il tâtonna dans le noir et trouva les allumettes sur la cuisinière. Une fois la lampe allumée, il regarda autour de lui. Il y avait du charbon dans la cuisinière et une demi-noix de bœuf sur le séchoir. Il regarda dans le seau d'eau et constata avec satisfaction qu'il était plein de glace. Alors il s'assit sur la couchette pour souffler. Que diable font les clébards ? Murmura-t-il. Je suppose qu'ils sont restés accrochés dans les congères glacées sur la place. Silver avait raison. Les chiens étaient retenus par les cordes prises dans les blocs de glace au bord de l'eau. Aucun d'eux n'avait assez d'astuce pour mordre sa corde. Et après s'être grognés et jappés les uns après les autres, pendant un certain temps, ils se couchaient résignés en attendant que Sivertz revienne les libérer. Mais Sivertz n'avait aucune envie de sortir dans le noir. Il entendait l'ours fureter dans tous les coins et son fusil lui manquait cruellement. En supposant qu'il reste dehors, il y aurait presque de quoi tenir un siège de longue durée, se dit-il à lui-même satisfait. Ici, il y a de la chaleur, de quoi boire et bouffer, ce qui n'est pas le cas pour l'autre pomme dehors. Il se leva et alluma la cuisinière. Le charbon avait été mis en place par le chasseur qui s'était servi du refuge en dernier et la bouteille de pétrole pour l'allumage était prête sur la caisse à charbon. Bientôt, une chaleur vivifiante se répandit dans la petite boîte. Sivertz tira la chaise de la maison et enfonça ses pieds nus dans le four. Il pensa qu'il avait eu de la chance de porter un pantalon en cuir de phoque et des kamiks. Chose qui avait occupé l'ours pendant bien plus longtemps que des habits de fabrication européenne n'auraient pu le faire. « Si seulement on avait eu son fusil, pensa-t-il, tout aurait été parfait. » Il se pencha et attrapa la hache qui était posée contre le seau d'eau. Elle pouvait servir, mais seulement en cas d'urgence extrême, comme si, par exemple, il prenait à l'ours l'envie d'entrer se réchauffer. Le fusil était indispensable s'il fallait expédier le bonhomme. Sivertz retira ses pieds du four et les posa sur la rampe en laiton de la cuisinière. Et il commença à calculer. Il y avait environ 100 mètres jusqu'à la plage où les chiens étaient probablement coincés. Cette distance pouvait dans le meilleur des cas être liquidée en 12 secondes, puisqu'il fallait ici compter avec des chiffres de record olympiques. Donc, 12 secondes. À cela, il fallait ajouter 5 secondes pour libérer le fusil à coup de hache, 2 secondes pour charger la culasse et viser, plus 2 secondes pour les impondérables. Au bas mot, 21 secondes. Le temps de l'ours était meilleur. Il courait deux fois plus vite que Sivertz et n'avait à se soucier ni du fusil, ni de chargement, ni de visée. Et même si Sivertz s'offrait 3 secondes grâce à l'effet de surprise en franchissant la porte, il arriverait de toute façon avec un handicap de 12 secondes. Sivertz s'y reprit à plusieurs fois pour ses calculs. Même en retranchant un peu à plusieurs reprises sur la vitesse de l'ours et en rajoutant un peu sur l'effet de surprise, le résultat restait à l'avantage de l'ours. Il renonçait donc temporairement à cette éventualité, remplit la cuisinière de charbon et installa ses fesses nues au-dessus des rondelles chauffées à blanc. Le plus simple était maintenant d'attendre et de laisser les choses évoluer tranquillement. L'ours faisait du raffut autour de la maison dans le froid. Affamé, il flaira par le chambranle de la porte, fit le tour de la maison plusieurs fois à petits pas et examina avec un soin la forteresse de Sivertz à la recherche de points faibles. Sivertz emmagasinait de la chaleur par le fondement et se réjouissait de la sécurité qui régnait à l'intérieur. « Mais t'as vu que tu devrais aller te coucher quelque part sur la glace » cria-t-il à l'ours à travers la mince cloison de planches. « Un vieux diable aigri comme toi ne devrait pas se lever avant d'avoir fini de se reposer. » En réponse, l'ours grogna méchamment, ce qui donna des frissons à Sivertz, alors qu'il faisait maintenant une température très convenable dans la baraque. « Holà ! » cria-t-il, « c'était seulement un petit conseil amical. » Il fixa la porte alors que l'ours reniflait à toute force par les fentes, labourant l'huisserie de ses griffes. Sivertz saisit la hache. « Tu gagnerais rien à devenir trop ingénieux, camarade, » dit-il, « parce qu'ici, je t'informe qu'il y a de la place pour un seul de nous deux. » Des images de cabanes de chasse dévastées lui traversèrent l'esprit. Il arrivait assez souvent que des ours y pénétrèrent et les rasent. Ils défonçaient des portes, écrasaient des boîtes de conserve pour en faire sortir le contenu, renversaient cuisinières, tables et chaises, arrachaient les couchettes des murs et sortaient souvent par les fenêtres, arrachant à l'occasion la totalité du chambranle. Il n'y avait pas de doute que cet ours, lui aussi, pouvait sans problème entrer chez Siverts s'il le souhaitait vraiment. Et Siverts avait le sentiment très net que c'était justement un de ses souhaits les plus vifs. Il resta longtemps près de la porte, la hache levée. Il resta si longtemps que son bras s'ankylosa. Il fut franchement soulagé en entendant l'ours reprendre sa ronde autour de la maison. Une heure paisible s'écoula. Siverts supposa que le siège avait commencé et se mit à faire la cuisine. Il tailla à la hache quelques tranches gelées sur la noix de bœuf et les balança sur les rondelles de la cuisinière. Bientôt, la cabane se remplit d'un délicieux fumet de viande grillée et dehors, l'ours se remit à renifler énergiquement par les fentes de la porte. Siverts mangea ses beefsteaks. Puis, il remit du charbon dans la cuisinière afin de fondre de la glace pour le thé. C'est juste au moment où il remuait les braises que l'idée lui vint. Bien sûr, il regarda le tisonnier presque chauffé à blanc et reprit ses calculs. Cette petite surprise ferait plus que rééquilibrer le rapport des forces. Et si en plus il avait la chance, en passant de pouvoir filer un coup de hache au gaillard, le fusil était pour ainsi dire dans la poche. « Je tente le coup. Bordel de merde » murmura-t-il, encouragé. Il enleva l'eau du thé de la cuisinière et retira le tisonnier. Siverts lui trouva l'air meurtrier et il eut presque pitié de l'ours. Sans un bruit, il s'approcha de la porte sur la pointe des pieds, la déverrouilla et l'ouvrit tout grand. L'ours était assis sur son large derrière. Étonné, il regarda l'homme à moitié nu. Mais avant qu'il se soit ressaisi et qu'il ait eu une réaction intelligente, Siverts lui avait enfoncé le tisonnier dans la poitrine et filé une claque avec le plat de la hache. Une flamme de douleur traversa l'ours. Il se renversa, hurla sauvagement, des brouillards rouges devant les yeux et une odeur de brûlé dans le nez. Il tomba dans la neige et empoigna l'arme terrible enfoncée dans sa poitrine. Siverts volait en direction des chiens. Il arriva au traîneau en moins des 12 secondes olympiques. Le fusil était coincé sous un des patins. Siverts coupa la corde et le retira. Les chiens jappaient de joie en le voyant. Mais il ne fit pas attention à eux. Il souffla la neige de la culasse et voulut armer. Sans succès, il s'acharna comme un fou furieux, mais n'arriva pas à tirer la culasse. « Putain » siffla-t-il, « cette merde s'est coincée !» Il jeta un coup d'œil vers l'ours qui était toujours en train de hurler et de gesticuler en essayant d'éteindre l'incendie dans sa fourrure. Siverts s'échinait sur le fusil. Il était tellement occupé qu'il en oublia de faire la seule chose qu'il y aurait à faire, c'est-à-dire libérer les chiens. Il couinait, râlait, jappait et faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'attirer son attention. Mais Siverts n'avait que son fusil en tête et même s'il avait beaucoup de secondes à son crédit, il ne pouvait rien faire. Soit cette saleté s'était voilée à être malmenée sous le traîneau, soit un petit morceau de glace s'était calé dans la culasse usée. Quand enfin l'ours réussit à extraire le tisonnier et à le piétiner tellement profondément dans la neige qu'on ne le voyait plus, il s'intéressa de nouveau à Siverts. Il regarda vers les chiens en grommelant et vit son adversaire en train de s'exercer rageusement avec un autre tisonnier, encore plus long que le précédent. Cette vision fit rougir ses yeux de fureur, et il retroussa les babines, découvrant ainsi ses longues dents jaunes. Sans un bruit, il se glissa vers le bord de l'eau. Sivert le vit arriver. Il avait renoncé au fusil, mais ne pensa ni au chien ni à la hache. Sa peau nue était bleue et couverte de chair de poule. Mais à l'intérieur, il commençait à bouillir. Dans la vie quotidienne, il était imperturbable et débonnaire comme une tortue. En général, il donnait raison aux autres si cela pouvait maintenir la paix. Il n'avait pas de principe et il était très difficile à provoquer. Mais en cet instant précis, un fusil inutilisable dans les mains, observant l'ours perfide, il sentit une rage brûlante et profonde monter en lui. À l'image des berserks nordiques de l'Antiquité, il sentit la fureur prendre possession de tous ses muscles et les faire vibrer d'une envie de bataille. La vision de cet ours furieux lui fit l'effet que la décoction de Sigu faisait dans les temps anciens sur les tuniques en peau d'ours des Vikings. Son corps se tétanisa plusieurs fois, comme saisi par des crampes, et son cerveau s'assombrit totalement dans l'humeur belliqueuse qui l'envahissait. Sivert grogna contre l'animal d'un grognement profond et menaçant qui monta de son ventre, franchit sa bouche entrouverte et frappa les petites oreilles dodues de la bête comme des coups. L'ours suspendit son approche. Il se figea sur ses quatre pattes et balança, hésitant, la tête d'un côté à l'autre. Le fusil sur la nuque et le paraide, Sivert se monta vers la maison. Le grognement menaçant s'articula et les mots sortirent à flot. « Tire-toi de là, Minus » tonna-t-il. « Tu te figures quand même pas que j'ai peur de toi ?» Il montra un de ses poings. « Parce que toi, tu n'es qu'une grosse feignasse qui traîne ici et là à gêner les phoques et autres braves gens. Du vent, évapore-toi, misérable pisse de vache. Ha ! Ha ! » Il eut un rire tonitruant, hystérique. Ha ha ha ha ! Faire peur à Sivert ? Non mais, couille molle ! Maintenant, c'est moi qui vais t'effrayer pour de bon, tu vas voir. Il envoya un long crachat vers l'ours et tapa du pied dans la neige. Tire-toi, fulmina-t-il, ou je te piétine à mort, lavette ! L'ours regarda Sivert avec étonnement. Quelque chose lui échappait. La conduite de cet être humain sortait de toutes les conventions. L'homme avait d'abord hurlé d'horreur, ensuite il avait couru à s'en arracher la peau, et maintenant, intrépide, il attaquait avec un nouveau et encore plus long tisonnier en poussant d'horribles cris de guerre. Il était peut-être, malgré tout, plus dangereux qu'il n'en avait l'air. Le premier tisonnier l'incitait à une certaine prudence, et l'ours commença presque imperceptiblement à lâcher pied devant Sivert. Fous le camp, petite merde ! Sivert brandissait le fusil et criait. Non sans témérité. Jusque dans le fjord, je veux plus te voir rôder par ici et gâcher mon sommeil, cré bon Dieu. L'ours fixait l'arme qui brillait dans la lumière de la lune. Et comme il craignait que celle-ci soit aussi terrible que la première, l'effrayant tisonnier, il sauta rapidement sur le côté et laissa passer Sivert. Sans honorer son adversaire du moindre regard, Sivert marcha d'un pas lourd vers la maison. En chaussettes, il monta droit vers la villa de la falaise, pestant et jurant comme un boucanier complètement bourré. Il passa la porte et claqua derrière lui d'un coup de pied. « C'est comme ça qu'il faut les traiter, ces écorcheurs » grogna-t-il. Là, il en a peut-être eu pour son grade. Encore tremblant d'indignation, il remit l'eau du thé à bouillir. Et c'est en fait seulement après la deuxième tasse de thé qu'il revint à lui. La colère le quitta presque aussi brusquement qu'elle l'avait pris et il dut s'asseoir sur une chaise, ses jambes refusant de le porter. « D'où Jésus ? » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui n'aurait pas pu m'arriver ?» Il transpira fortement à cette pensée et loucha vers la porte. Le fusil était appuyé contre le cadre et le voir lui donnait une certaine sécurité. Il se leva, verrouilla la porte et posa le fusil sur le séchoir. En quelques minutes, la culasse avait dégelé et était à nouveau utilisable. Sieverts chargea, arma et sourit satisfait. « Maintenant, il peut s'approcher, dit-il. Enfin, s'il en a toujours envie après ce coup de semonce. » Mais l'ours n'avait pas renoncé à Sieverts. Il avait simplement appris la leçon et était devenu prudent. Il se tint loin de la porte, car on ne savait jamais quel coup fourré pouvait encore sortir de là. C'est pourquoi, une fois, Sieverts disparut à l'intérieur, l'ours se retira tout doucement vers une pierre couverte de neige à une dizaine de mètres de la maison. Couché sur cette pierre, il observa la porte. Plusieurs fois, Sieverts sortit la tête en tenant son flingue prêt à la hauteur de la hanche. Il arrivait tout juste à distinguer l'ours à la lueur de la lune. Il essaya de tirer, mais sans arriver à bien viser dans l'obscurité. L'ours ne bougea pas d'un millimètre. Il regardait la cabane d'un air toujours fixe, une patte sur son museau noir, se croyant invisible. Sieverts avait l'impression que l'animal ne tenterait rien au cours de la nuit. Il s'installa donc sur les douves de tonneau, une peau de renne qui avait été clouée au mur sur la poitrine et le fusil sur le ventre. Il avait baissé la lampe au minimum sans l'éteindre. Et ainsi couché, il se sentait tout à fait à l'aise et plein de courage. « Si demain il n'a pas suivi mon petit conseil de mettre les hiboux, on videra son petit différent », pensa-t-il. « Apparemment, c'est moi qui ai le dessus maintenant. » Et il s'assoupit, cette plaisante pensée bourdonnant dans sa tête. Mais l'ours avait des pensées à peu près identiques dans la sienne. La maison devenue silencieuse, et quand il ne vit plus de lumière par les fentes, il s'approcha sans un bruit de la porte. Avec une infinie prudence et une infinie lenteur, il se hissa sur le toit où il se coucha, une de ses lourdes pattes pendant au-dessus de l'entrée. À un moment ou à un autre, l'homme sortirait, et alors l'ours lui ferait recevoir le ciel sur la tête. Sieverts dormait profondément confiant. Quand il se mit à ronfler bruyamment, l'ours flaira nerveusement l'air. Mais comme il ne trouva pas de rapport entre ce bruit désagréable et les dangereux cris de guerre d'avant, il resta tranquillement sur le toit. Il coucha en arrière les cornets dodus qui lui servaient d'oreilles et se lécha les babines, plein d'espoir. Quelques heures plus tard, le froid réveilla Sieverts. La cuisinière s'était éteinte et quand il augmenta la lampe, il vit que la gelée blanche brillait sur les murs. Il balança ses jambes par-dessus le bord de la couchette et chancela, endormi, jusqu'à la caisse à charbon. Il y en avait encore assez, 4 morceaux, gros comme des courges bien mûres. Sieverts regarda le charbon d'un air découragé. Et il soupira profondément en repensant qu'il avait oublié la hache en bas, à côté des chiens. Les chiens, la hache. Tout d'un coup, il se rendit compte de la gaffe qu'il avait commise. Pourquoi n'avait-il pas coupé les cordes avec la hache et libéré les clébards? Ils auraient pu tenir l'ours sans aucun problème. Les lobes des oreilles de Sieverts s'en rougirent. Cela ne devait jamais se savoir. Une fois pour toutes, s'était dit, on ne devrait jamais parler de cette chasse à l'ours. On le prendrait pour un idiot ou un menteur, et il serait la risée de toute la côte. Toute cette maudite histoire ne souffrait aucune excuse. D'abord, il s'était laissé attaquer, ensuite, il s'était laissé poursuivre comme un lapin, puis, il avait oublié de libérer les chiens, et enfin, il s'était débarrassé de l'ours en le houspillant vertement. « Dès que je me suis réchauffé, murmura-t-il, je sors et je descends ce sagouin dans les formes. Voilà. » Il retira un morceau de charbon de la caisse et le coinça entre ses pieds. Ensuite, il saisit son fusil, qui était la seule chose suffisamment dure dans la baraque, et de la crosse ferrée, donna un coup sur le charbon. Le morceau se cassa en deux et Sieverts continua sa besogne. Le fusil de Sivertz était un excellent fusil. Il avait servi sur la côte pendant de nombreuses années et avant cela dans l'armée danoise en 1889. C'était un fusil à la crosse massive qui se chargeait par la culasse et avait participé à bien des choses. Mais le poids des ans sur la crosse, les innombrables coups tirés, les mauvais traitements sur la glace et maintenant ses coups répétés sur le charbon eurent pour conséquence qu'exceptionnellement il trahit. Sans préavis et avec une énorme détonation, le coup partit. La balle siffla tout près du gros nez de Sivertz, à travers son ardente frange rousse, et sortit par le toit. La lampe s'éteignit par la même occasion. Sivertz laissa tomber le 89, il poussa un hurlement d'effroi et tomba par terre à la renverse. Le calme, une fois revenu, il chercha les allumettes à tâtons. Le silence était total. La détonation resta longtemps suspendue entre les oreilles de Sivertz, et c'est seulement quand il entendit à nouveau sa propre respiration haletante qu'il prit conscience d'un curieux bruit de gouttes qui tombaient, comme de la glace qui fond par une chaude journée de printemps. « Allons bon, qu'est-ce que c'est encore ?» gémit-il effrayé. Il frotta une allumette et ralluma la lampe, et là, devant ses pieds, grandissait une mare de rouge de sang. Il blêmit comme un cadavre et son cœur battit la breloque dans sa poitrine. « Touché, » chuchota-t-il d'une voix rauque, « je me vide de mon sang. » Du coup, il se sentit las et misérable et dut s'asseoir par terre. Une douleur lancinante jaillit de la région du cœur. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» se lamenta-t-il en tournant son regard vers le plafond à la recherche d'une éventuelle réponse de là-haut. La réponse lui arriva sous la forme d'un mince filet de sang qui coulait lentement par le trou de la balle. « Ben dis donc, » dit-il en se levant, « qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel ?» Il s'étira pour se hausser et mettre un doigt dans le trou. Le sang était chaud et avait bon goût. « Mais putain, c'est un goût de sang d'ours » grogna-t-il. « Nom de Dieu, tu paries que ce crétin a clamsé là-haut ?» Malgré le sang et le silence côté toiture, Sivertz fut très prudent en ouvrant la porte. Une patte d'ours molle se balançait juste au-dessus de l'entrée et quand il la toucha avec le canon du fusil, il comprit qu'il n'y avait plus de vie là-dedans. Hé hé hé, se gaussa-t-il, cette massue-là était sûrement prévue pour moi. Ça, c'était vraiment une putain de chasse à l'ours. Personne ne gobera ça. Il sortit et éclaira la toiture avec la lampe Petromax. Là-haut, l'ours était couché, grand, jaune et raide, mort. Sivertz secoua la tête pensivement. « Voilà qui règle le problème, se dit-il pour lui-même. Si c'est ça la fin, je ne dois pas en souffler le moindre mot à qui que ce soit. » Sivertz arriva à la cabane du vent, assis dans la peau de son ours. Il avait passé quelques jours à la villa de la falaise pour nourrir les chiens et congeler la peau de l'ours en forme de traîneau. Il s'était cousu un anorak en peau de renne et un capuchon en bœuf musqué avec son sac de couchage. Et il avait enfilé ses jambes dans le chandail irlandais qu'il avait en réserve dans le sac du traîneau. Il s'était ainsi procuré un pantalon chaud. Il était donc à la fois bien nourri, au chaud et de bonne humeur en rentrant. La première chose à faire était naturellement de sauter sur ces exceptionnelles tinettes qu'il possédait en commun avec l'Ose. Ainsi installé, il se réjouit du confort et du panorama. Par la moitié supérieure de la porte laissée ouverte, il voyait jusqu'à la plage, où l'Ose était en train de regarder son traîneau original. « Que s'est-il passé, Sivertz ?» cria l'Ose. « Votre traîneau a cassé ?» Sivertz répondit. « Il s'est fatigué dans les congères, l'Ose. Il s'est couché et n'a plus rien voulu savoir. « Et l'ours, d'où vient-il » L'ours était curieux de nature. « Ah, l'ours, C'était comme qui dirait une balle perdue, tu comprends. Rien de spécial, Loz. Juste un petit ours ordinaire qui avait plus envie de rentrer avec moi que de se promener dehors à tous les vents. Sivertz ferma le haut de la porte et chuchota. « Voilà qui est intelligent, mon petit Sivertz. Pas un mot. Comme ça, tu pourras conserver ta réputation d'honnête homme et de bon chasseur. Bon, et bien sûr, ces bonnes paroles. Comme c'est l'hiver, nous saurons combattre un ours, hein, on s'est tous criés. De plus, à la place d'une chanson, je vais vous expliquer un petit truc que je ne savais pas. Le mot « Eskimo » est le nom donné par les Indiens du Canada aux Inuits. Il est d'ailleurs un peu ironique, voire péjoratif, signifiant quelque chose comme « les bouffeurs de viande », car les Inuits mangeaient de la viande crue. Aujourd'hui, on les appelle par le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, Inuit, ce qui signifie les êtres humains. Voilà, voilà. J'ai trouvé que, pour terminer cette petite série d'histoires amusantes, c'était bien dit. Passez un très très bon Noël avec Radio Gémozo, 107 FM, bien sûr.